pas besoin de se parler, ni même de se présenter. Il suffit d'un seul regard pour s'enflammer sans retard. Il met le feu aux poudres, d'emblée le coup de foudre. Le coup de foudre. Pas besoin de rendez-vous, de promesses ou de mots doux. En deux temps, trois mouvements, il te retourne les sangs. Il met le feu aux poudres, d'emblée le coup de foudre. Le coup de foudre. Qu'importe si tu es marié, en couple ou bien fiancé, il frappe à l'improviste, personne ne lui résiste. Il met le feu aux poudres, d'emblée le coup de foudre. Le coup de foudre. C'est un désir effréné que rien ne peut tempérer. Il met la tête à l'envers, baisse les fermetures éclair. Il met le feu aux poudres, d'emblée le coup de foudre. Le coup de foudre. Mais bientôt sous d'autres cieux, il ira porter le feu, laissant aux amants surpris un souvenir attendri. Laissant aux amants surpris un souvenir attendri. De leur coup de foudre. Leur coup de foudre. Leur coup de foudre. Leur coup de foudre. Leur coup de foudre.